Le transport d'un enfant de moins de 10 ans à l'avant est interdit, sauf dans les cas suivants. Lorsque l'enfant est transporté face à l'arrière, dans un système homologué conçu pour être installé à l'avant, et que l'airbag frontal est désactivé. Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège à l'arrière. Lorsque les sièges arrière sont inutilisables ou occupés par des enfants de moins de 10 ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système approprié. Il faut aussi que la morphologie de l'enfant de 10 ans lui permette d'utiliser la ceinture de sécurité. Un conducteur peut être sanctionné s'il transporte à l'avant un enfant ayant moins de 10 ans. Réponse A et B.